Langevin, voit toute la famille quoi. Sortie plutôt fracassante, suivie d'une belle descente. Billet des cités des cauchemars avec leur petit babar, plutôt bâtard. Comme d'habitude, tu viens pas en un contre un, mais on s'en contraint. T'es pas un homme, t'es qu'une victime. Il te manque plus que le slim et tu pourras faire de la tectonique avant qu'on te nique. K2, c'est lui qui te parle, petit con. Tu serais vraiment un grand, tu ferais un contre un, mais toi tu préfères jouer dans la cour des petits. Alors chute, 5 ans, je m'entale juste assez pour savoir parler. Et oui, mon petit kéké, c'est de toi dont je parle. K2 au micro, petit gros. Avec Rouvroy, vas-y, cache-toi. C'est pas en gueulant, c'était dit sans force qu'on va courir. C'est au contraire, on pleure de rire. En vous regardant, on a honte pour vous. J'ai juste envie de dire, cache-toi, tu me fais pitié. K2, petit gros. Sortie plutôt fracassante, suivie d'une belle descente. Puis c'était des cauchemars avec le petit babar. Ou plutôt bâtard, comme d'habitude, tu viens pas en un contre un, mais sans contre un. T'es pas un homme, t'es qu'une victime. Il te manque plus que le slim et tu pourras faire la tectonique avant qu'on te nique. Et ouais gros, on va te niquer. Tu serais vraiment un grand, tu ferais en un contre un, mais toi tu préfères jouer dans la cour des petits. Alors chute, âge mental, 5 ans juste assez pour savoir parler. Et oui mon petit kéké, c'est de toi dont je parle. Quand on voit et là, moi je dis casse-toi. K2 et un micro, tu vaux plus rien petit gadjo. Dans Rouvroy y'a pas un rat, dans la CD c'est y'a que ça. K2, 6, 2, 3, 20. Babar le petit bâtard et son frère Giovanni, le roi des pâtes Panzani. Tu pisses encore au lit et tu veux crâner. Vas-y bouge avant que K2 te casse le nez. Si tu serais un vrai, tu te casserais pas les couilles. Pour les histoires des Joe comme ton frère Babar, lui qui porte bien son nom, il voit une souris, il se barre. Soit tu prends la porte ou tu risques de manger mon pied. Le pire c'est que tu sais même pas comment ça a commencé. T'as voulu te mêler à des histoires, voilà tu vas manger. Tu te rhabilles au relais et t'oses encore crâner. Vas-y casse-toi du 6-2, t'as rien à faire dans cette banlieue.